إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: من أراد الآخرة، celui qui veut la vie dernière. Qu'est-ce qu'il fait? ترك زينة الدنيا. Il laisse la beauté de cette vie présente, de cette vie bas. Hadith rapporté par Tirmidhi et Albani a dit qu'il était Hassan, qu'il était bon. Donc Inch'Allah, maintenant nous allons commencer le premier cours. Comme normalement vous avez pu le lire, nous avons fini le cours sur le jugement de celui qui a délaissé la prière. Et à partir d'aujourd'hui, nous commençons deux nouveaux cours. Un dans le fiqh et d'autres dans l'aqida, plus spécifiquement dans le tawahid. Et donc dans cette heure-là, ou peut-être même dans une heure et demie, inshallah, nous ferons la première partie du fiqh, et dans la deuxième partie, donc une demi-heure de fiqh et une demi-heure de tawahid. Alors dans le fiqh, c'est le livre qui s'appelle Mukhtasaru Abi Shuja', d'accord, le résumé de Abi Shuja', de l'imam Abu Shuja', rahimahullah, dans le fiqh al-Shafi'i, que j'avais déjà commencé il y a à peu près une année, je ne me rappelle plus quand exactement, j'ai dû m'arrêter il y a environ 6 mois. On avait fini le chapitre de Tahara, Kitab al-Tahara, et le Kitab al-Salah, donc le chapitre de la prière de la purification a été fini. Là donc on va commencer la zakat. Alors j'aurais pu recommencer depuis le début, mais comme on m'a déjà dit, tout le monde enseigne le fiqh et tout le monde s'arrête justement à la prière, d'accord. Donc on va commencer à partir de la zakat. Là on a fini la dernière fois. Sachez que mes cours ont été enregistrés, normalement vous pouvez les retrouver sur le blog qui est islam.france, que normalement vous pouvez voir sur votre écran, d'accord, en audio, s'ils sont restés sur les sur partage facile, parce que j'ai mis ça sur partage facile normalement. Donc le livre qu'on va continuer, donc ceux qui n'ont pas étudié le livre de le chapitre de la purification de la prière, il n'y a pas de problème pour comprendre le chapitre de la zakat, hein, il n'y a aucun problème pour ça, ainsi que quand on va étudier inchallah le jeûne, le mariage, l'héritage, le djihad, ainsi que d'autres chapitres, c'est aucun problème d'étudier un chapitre et non pas l'autre, etc. Donc ce livre là, comme je dis, c'est de l'imam Abu Shuja rahimahullah, qui est dans le fiqh al-Shafi'i. Je vais donner quelques petites indications. Vous savez qu'il y a quatre, on dit qu'il y a quatre écoles, d'accord, le madhab al-Hanafi, l'école al-Hanafi de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, qui est né en 80 de la Hijra et qui est mort en 150 de la Hijra. Et si je vous demande on est en quelle année, s'il vous plaît ne répondez pas en 2014. On part de l'islam là, donc on est en 1435 de la Hijra. Ensuite, le deuxième mazhab, c'est le mazhab Maliki de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, qui lui est né en 93 et décédé en 179, rahimahullah. Et ensuite, c'est l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui était né à Gaza, à Gaza, sachez-le, il était né en Palestine, à Gaza. On ne dit pas Gaza, on dit Gaza. Il est né en 150 et c'est pratique de savoir, parce que c'est un 150, c'est un chiffre rond, et c'est l'année où est mort Abu Hanifa, rahimahullah. Donc l'année où est mort Abu Hanifa est né l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Et l'imam al-Shafi'i est décédé en 204 de la Hijra. Ensuite est né, quelques années, en 14 années après l'imam al-Shafi'i, est né l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui est exactement son nom, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Hanbal, c'était pas son père, mais son grand-père. Al-Shaybani, rahimahullah, qui lui est né en 164 de la Hijra et est décédé en 241 de la Hijra. Je regarde quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Appartement. Bon, il y a eu un problème de micro. Alors, il y a toujours le problème de micro. Excusez-moi, je suis désolé. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Là, il a rien. Ton micro, il n'y a plus de son. Ok. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer à Abou Aïmal un petit peu de me dire jusqu'à où le son a été bon et à partir de quand le son a été coupé? Abou Imran, s'il te plaît. Barakallahu fik. On n'a rien entendu du tout, apparemment. Subhanallah, donc j'ai rien entendu. Même pas l'introduction, vous l'avez entendu l'introduction au moins? Tu as dit Abu Shuja, ça s'est arrêté. Donc je vais recommencer. Ok, l'introduction jusqu'à Abu Shuja. Ok. Il faut absolument que je fasse très attention au micro. Je sais pas pourquoi des fois il se coupe. Donc je vais reprendre par rapport à où là où je m'étais arrêté. Donc Abu Shuja. Donc on va étudier, inshallah, la première demi-heure du fiqh sur le livre de l'imam Abu Shuja qui s'appelle Mukhtasar Abu Shuja dans le fiqh al-Shafi'i. Et la deuxième demi-heure, un livre, une compilation de petites épîtres de l'imam ou le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah dans le Tawahid. D'accord ? Alors on va commencer maintenant le fiqh. Et je fais juste une petite présentation. À savoir que l'imam Abu Shuja rahimahullah, donc celui qui a écrit le livre qu'on va étudier. Je vérifie s'il y a bien le son. Oui, c'est bon. Donc, lui est né en 433 de la Hijra. Et il est décédé en 593 de la Hijra. Donc, il a vécu très longtemps. Rahimahullah. Ensuite, je donne une petite explication ou une petite biographie des quatre imams, des quatre madahib, des quatre écoles, d'accord. Donc Abu Hanifa, rahimahullah, Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, est né en 80 de la Hijra et est décédé en 150 de la Hijra. Et nous sommes en ce moment, nous sommes en 1435, hein, nous ne sommes pas en 2014, nous sommes en 1435 de la Hijra. Ensuite et vient l'imam Malik, à l'imam Malik ibn Anas, rahmahullah, imam Udal al-Hijra, donc qui était à Médine. Lui est né en 93 de la Hijra et est décédé en 179 de la Hijra. Ensuite vient l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, qui est né en 150 de la Hijra, et sachez que c'est un chiffre rond, et c'est l'année où est décédé l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Donc l'année où est décédé Abu Hanifa est né l'imam al-Shafi'i, rahimahumallah. Et sachez aussi que l'imam al-Shafi'i est né à Gaza, Gaza. Hein, que vous connaissez tous en Palestine, à Gaza en français, Gaza en arabe, il est né là-bas, il est né en Palestine, en Palestine, à Gaza, rahimahullah. Et ensuite vient l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Shaybani, rahimahullah, qui est né en 164 de la Hijra et qui est décédé en 241 de la Hijra. Je reviens maintenant, on rentre directement, inshallah, dans le texte. Et on va directement, inshallah, au chapitre qui nous intéresse, le chapitre de la zakah. On dit az-zakah. Et dans une certaine langue, dans certaines tribus, ils prononcent le tamarbutata, az-zakat. Alors, le chapitre de la zakat. Alors, az-zakah, l'oratan, dans la langue arabe, ça veut dire, au point de vue linguistique, ça veut dire an-nama, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pousse, c'est-à-dire qui grandit, d'accord ? وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. Donc c'est quoi au point de vue de la législation, la zakat, c'est un nom qui est donné pour un bien, soit de l'argent ou des animaux, un bien qu'on peut le posséder, d'accord, مخصوص spécifique, c'est pas sur tout ce qu'on peut posséder. يؤخذ من مال مخصوص, c'est que l'on prend d'un bien qui est spécifique à la wajin marsous d'une manière spécifique. Yusrafu li ta'ifatin marsousa, et que l'on donne à un groupe spécifique. Donc tout ça, on va l'étudier, inshallah. Donc l'imam Abu Shuja, rahimahullah, dit Tajibu zakat fi khamsati ashiya. La zakat est obligatoire dans 5 choses. Tajibu zakat fi khamsati ashiya. Wahiya. Et ces 5 choses sont celles-ci. Awalan, premièrement, al-mawashi. Al-mawashi, c'est le pluriel de ma'ashiya. C'est-à-dire, ce sont les bêtes. Et comme on va voir, ce n'est pas toutes les bêtes. Il n'y a pas de zakat, par exemple, pour les chevaux. On va voir quelle sorte de bêtes. D'accord ? Deuxième catégorie, thaniya. Wal-athman, les valeurs. C'est-à-dire, on veut, comme on va voir, athman, ça veut dire l'or et l'argent. D'accord ? Thalithan, troisièmement, az-zurur, les cultures. Et comme on va voir, c'est pas n'importe quelle, c'est pas toutes les cultures comme Inch'Allah. Quatrièmement, wathimar, les fruits, et là aussi on va voir, les fruits, c'est pas tous les fruits, c'est certain. Et cinquièmement, wa'urud tijara, et ce que l'on prédestine à la vente. C'est-à-dire, je sais plus comment on dit en français, je ne sais pas si ça a un nom, c'est-à-dire que c'est par exemple quelqu'un qui a un magasin, je vais prendre juste un exemple, hein. Quelqu'un qui a un garage par exemple, qui vend des voitures, qui va vendre 10 voitures, eh bien il va sortir la zakat de ces 10 voitures qui sont pour la vente, pas sa voiture personnelle, parce qu'on ne donne pas de zakat pour sa voiture personnelle ou pour sa maison personnelle, etc. Mais si par contre, si quelqu'un qui a 10 maisons pour la vente, il va sortir la zakat de ces 10 maisons. D'accord ? C'est un exemple. Hein. Avec une divergence très savante ou non, est-ce que la roulou, ce qu'on appelle roulou de tijara, fait partie de la zakat ou pas ? L'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est oui. Et on va étudier ça en détail, Inch'Allah, ça va venir. Donc voici les 5 catégories dans lesquelles on sort la zakat. Ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimahullah,